Parmi les autres contes que je n'ai pas enregistrés, je vous recommande vivement la lecture des cinq dont le titre suit. Pierrot, Au champ, Un coq chanta, Un fils, et enfin Saint-Antoine.